une jeune Italienne. Février grelottait, blanc de givre et de neige, la pluie à flots soudain fouettait l'angle des toits, et déjà tu disais, mon Dieu, quand pourrais-je aller cueillir enfin la violette au bois. Notre ciel est pleureur, et le printemps de France, frileux comme l'hiver, s'assied près des tisons. Paris est dans la boue, pour moi ou Florence, égrène ses trésors sous les mailles des gazons. Vois les arbres noircis, contournent leurs squelettes. Ton âme s'est trompée à sa douce chaleur. Tes yeux bleus sont encore les seules violettes, et le printemps ne rit que sur ta joue en fleurs.